À l'occasion du 90e anniversaire de la Constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, les meetings ont eu lieu en Russie, en Espagne et au Mexique. Les séminaires sur les exploits des grands leaders coréens et les expositions de photos et de livres en Suède, en Allemagne et au Nigeria. Dans les salles d'exposition étaient exhibées les photos qui présentent les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Y étaient exposées aussi les œuvres classiques des grands hommes Paektosan, les photos et les livres qui présentent la Corée Sun-gun. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Aux cérémonies tenues en Suède et en Allemagne, on a doté des messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.